Vous écoutez Futur Simple sur CKRL et brièvement, nous allons revenir sur la conférence de Nagoya qui vient de se terminer au Japon. Alors Valérie, qu'est-ce que c'est cette conférence? Ben, c'est la conférence de la Convention sur la diversité biologique. Elle a réuni les 192 pays signataires de cette convention et l'objectif en gros, c'est de protéger la biodiversité. Alors, c'est pas la première fois que les pays membres de la convention se rencontrent. En fait, la convention existe depuis 1993 et la dernière fois qu'ils se sont réunis, c'était en 2002 et ils avaient décidé d'un objectif qui était de réduire la perte de la biodiversité à travers le monde d'ici 2010. Alors, nous sommes en 2010 et on peut constater que c'est un échec. La liste des espèces menacées continue de s'allonger. Et on devrait peut-être rappeler, Valérie, aussi que 2010, c'est l'année internationale de la biodiversité déclarée par les Nations Unies. C'est ça. Ben, en fait, ce n'était pas un hasard. C'était parce que c'était l'année de l'objectif de l'ancienne conférence. Donc là, les pays étaient réunis à Nagoya les deux dernières semaines d'octobre pour définir de nouveaux objectifs pour 2020. Et quels sont ces objectifs? Alors, en gros, il y a trois objectifs. Il y a l'objectif de conservation des espèces, notamment par la création d'aires naturelles protégées. Puis, il faut penser aussi que les animaux, les plantes, c'est aussi de la nourriture. Donc, par exemple, on pêche des poissons. Donc, un deuxième objectif qui était l'utilisation durable des ressources que nous fournit la biodiversité. Et enfin, la biodiversité, c'est aussi une réserve génétique, donc une source de médicaments, des molécules pharmaceutiques à découvrir. Et généralement, c'est des pays du Nord qui exploitent les ressources génétiques des pays du Sud. Et ces pays du Sud veulent aussi profiter des avantages, finalement, retirer quelques redevances. Donc, les pays du Sud voulaient négocier sur les avantages à retirer de ces des médicaments qui se feraient fabriquer par les pays du Nord. Donc, ce sont les trois objectifs sur lesquels les pays réunis à Nagoya ont tenté de s'entendre. On sent qu'il y a quand même matière à négociation. C'est pas forcément évident. C'est comme la conférence de Copenhague sur le climat l'an dernier. Il y avait eu des négociations qui étaient difficiles à parvenir. Et ça a plutôt accouché d'une souris. Donc, il y avait des questions. Est-ce que ça allait être pareil à Nagoya? Il y a quand même eu des choses intéressantes qui sont sorties de là. Il y a eu l'objectif d'augmenter la surface des aires protégées de 12,5 à 17%. Et en milieu marin, surtout, de passer de 1 à 10%. Il n'y a quasiment aucune aire marine protégée actuellement. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'il y en avait du tout. Il y en a. Je me demande si dans les rivières Saguenay, il y a une aire. Je me demande. Je ne suis pas sûre, mais il n'y a pas une aire. C'est une zone marine en tant peut-être, que telle. Ouais. Mais là, je ne sais pas trop. Il y avait aussi cette question du partage et des avantages. Le problème, c'est que donc il y a eu une entente quand même, il y a eu quelque chose, mais le problème, c'est qu'elle n'entrera en vigueur qu'en 2020, alors que les compagnies tirent déjà des bénéfices de ces ressources du Sud. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il est déjà l'heure et je ne voudrais pas empiéter sur les chroniques à venir après les publicités. Donc on part en publicité sur CKRL au 89,1 et juste au retour, nous parlerons du recyclage, récupération et de la responsabilité des fabricants.